Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la première championne de tennis afro-américaine, Althea Gibson. We would have practice sessions every day. Nous avions des séances d'entraînement tous les jours, 5 jours par semaine, 8 heures par jour. On pratiquait les services, les volées. Et entre les entraînements, Billy Davis, celui-là même qui m'avait présenté Sid, venait jouer un match comme si nos vies en dépendaient. Et ensuite, on reprenait l'entraînement. We would play as if we were playing a match for our lives and continue. Sidney would have maybe a box of balls. Sidney avait une boîte de 200 ou 300 balles et il me les servait toutes jusqu'à ce que je parvienne à envoyer la balle où je voulais, les yeux fermés. Until I was so accurate that I could close my eyes and put the ball where I wanted to. Althea Gibson ne ménagera aucun effort pour se hisser au sommet de son sport. Première femme noire à remporter un tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros en 1956. Althea Gibson remporte aussi les tournois de Wimbledon et les internationaux des États-Unis en 1957 et en 1958. Grande championne de tennis, elle reste peut-être surtout la toute première à avoir réussi à faire éclater ce fameux plafond de verre pour les Noirs, hommes ou femmes, au tennis. Balle de match à Althea Gibson et nouvelle championne de Wimbledon en simple. La première championne provenant de la Caroline du Sud. Who could have thought that here is stands before you a Negro woman? Qui aurait pu penser qu'ici se tiendrait devant vous une femme noire élevée à Harlem et qui, grâce à l'aide de nombreuses personnes, est devenue joueuse de tennis et même championne du monde? En fait, la première femme noire championne du monde, et croyez-le ou non, je le suis toujours. The first black woman world champion of this whole world. And believe it or not, I still am. Extrait d'une capsule Join the Story, des capsules qui sont diffusées sur YouTube. C'est Althea Gibson que vous entendiez dans cet extrait. Pour nous raconter la carrière et le parcours exceptionnel d'Althea Gibson, je reçois ma collègue Marie-Josée Turcotte, journaliste au sport à Radio-Canada. Marie-Josée Turcotte, bonjour. Bonjour, Jacques. Commençons par l'importance qu'elle a eue, Althea Gibson, dans l'histoire du tennis, dans l'histoire de l'égalité des Noirs dans ce sport. L'extrait qu'on vient d'entendre, qui est assez émouvant, nous en dit déjà un petit bout là-dessus. Mm-hmm. C'est très émouvant. C'est vraiment une femme fascinante et je suis contente qu'on recommence à la redécouvrir. En fait, pour vous donner l'importance qu'elle a eue, je vais commencer avec une citation de Serena Williams. Serena Williams, donc afro-américaine, 23 titres de Grand Chelem, donc la grande championne de notre époque. Quand elle a gagné son premier Grand Chelem, c'était celui des États-Unis en 1999, elle devenait seulement la deuxième afro-américaine à remporter un grand chelem, donc 43 ans après Althea Gibson. Donc, elle a rendu très souvent hommage à Althea Gibson et ça pourrait se résumer comme « Althea nous a ouvert la voie. Pour moi, c'est la plus grande pionnière du tennis. Elle était noire, comme moi. Elle a fait en sorte que je sois fière de qui je suis. Elle a été pionnière pour tout le tennis, pas seulement pour le tennis féminin. Oui. Et c'est ça qui est le plus important. Pionnière pour tout le tennis. Première noire numéro 1 mondiale. Première noire a gagné donc un grand chelem en 1956, Roland-Garros. Elle en gagne 5 autres. En tout, elle en gagne 5 en simple. Première noire à faire la couverture du magazine Times. Première noire à faire la couverture du Sports Illustrated. Donc, elle est la première à s'imposer dans un monde blanc et riche parce qu'elle venait d'un milieu hyper modeste. Donc, oui, vraiment, Althea Gibson ouvre la porte. Oui. Elle démontre en fait que c'est possible dans un monde où la ségrégation raciale est encore très, très, très présente de pouvoir transcender les barrières. Puis elle y est arrivée par son talent, son immense détermination et comme elle l'a dit dans cet extrait, par le soutien aussi qu'elle a reçu de toute la pleine chance. Pionnière, la toute première, vous le disiez, homme-femme confondu, c'est la première noire à être championne au tennis. Pourtant, quand on pense à ces pionniers, ces pionnières noires qui jouent au tennis, c'est le nom d'Arthur Ashe qui nous vient tout de suite. Il arrive, en revanche, plus tard. Pourquoi? Comment expliquer qu'on ait retenu le nom d'Arthur Ashe 12 ans après Althea Gibson, il devient champion? Jacques, une réponse simple et bête, c'est une femme. Encore aujourd'hui, c'est difficile pour une femme sportive d'obtenir la reconnaissance. Alors, imaginez dans les années 50, c'était pas à cette époque-là, entre guillemets, une activité naturelle. Et je vais vous citer la femme, justement, d'Arthur H. Jeanne Mutuasami H. Elle dit, les gens me disaient toujours, ah, c'est fabuleux, Arthur a été le premier à remporter le Grand Chelem. Elle disait, je leur répondais, oui, le premier rhum noir, mais il y a eu Althea Gibson avant. Oui. Et elle se faisait un plaisir de rappeler cet exploit. Mais pour les femmes, c'était vraiment difficile, même avec des exploits, de faire sa marque. Exploit d'autant plus méritoire pour Althea Gibson qu'elle part de loin. On peut dire ça comme ça. Parlez-nous un petit peu, justement, de ses années de jeunesse dans les rues de Harlem à New York et de ce qui va éventuellement la conduire au tennis. C'est pas gagné d'avance, ça, Marie-Josée Turcotte. Oh, pas du tout. Si je devais vous faire un petit résumé de son cheminement, je vous dirais, elle est née de parents ouvriers agricoles. Dans un champ de coton, on est en 1927. 30 ans plus tard, vous l'avez entendu tout à l'heure, elle reçoit des mains de la reine d'Angleterre, Elizabeth II, le trophée de la gagnante du tournoi de Grand Chelem de Wimbledon. C'est assez particulier. Donc, elle est née à Silver, c'est en Caroline du Sud. Ses parents sont Annie Bell et Daniel Gibson, ouvriers dans des champs de coton. Et là, on parle vraiment de conditions qui sont très, très proches de l'esclavage. C'était immensément difficile. 3 ans plus tard, en plein crash économique, ses parents décident de déménager à New York, à Harlem, et à cette époque-là, c'est un quartier immensément difficile. Si bien qu'à 13 ans, Althea quitte l'école et quitte sa famille parce que son père est violent, elle en a assez de se faire tabasser. Elle vit pendant un temps dans un foyer pour enfants. Disons que c'était pas mal mal parti sa vie à ce moment-là. Mais sa volonté, sa soif d'exister, son talent athlétique l'ont vraiment carrément sorti de la rue. Elle est bonne dans tous les sports dès son jeune âge. Et même si son père était violent, il a été important dans son cheminement aussi. Il boxait avec elle, il la faisait jouer au basketball, donc il était quand même présent. Mais ce qui a changé sa vie, c'est ce qu'on a appelé le Police Athletic League, donc une ligue athlétique de la police, où on faisait jouer les enfants dans la rue à ce qu'on appelait le paddle tennis, une espèce de mini-tennis. Et Althea Gibson, à l'âge de 12 ans, gagne le championnat féminin de New York. Alors, l'organisateur de ces jeux de rue, Buddy Walson, s'arrange pour qu'elle rejoigne le Harlem's Cosmopolitan Tennis Club, qui est un club privé pour la classe moyenne afro-américaine. Et au début, là, elle n'aime pas ça du tout. Elle trouve ça trop élitiste, mais son talent est tellement évident. Il y a deux mécènes, Hubert Eaton et Robert Johnson. Lui, il est le fondateur de la American Tennis Association, qui offre encore aujourd'hui des compétitions nationales de tennis qui sont réservées aux Noirs. Alors, ces deux messieurs, Eaton et Johnson, sont aussi deux militants pour les droits civiques. Ils la prennent sous leur aile. Ils ont un objectif, faire d'Althea Gibson la première championne noire de tennis. Disons qu'ils ont bien réussi. Et elle a toujours été reconnaissante. Elle avait dit « No matter what accomplishments you make, somebody help you ». Quoi que vous fassiez dans la vie, il y a quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui vous a aidé. Alors, c'est important aussi parce que ces deux médecins l'ont poussée à retourner faire des études. Pendant l'année scolaire, elle est chez M. Eaton pour terminer son secondaire. Durant l'été, elle est chez M. Johnson pour pouvoir s'entraîner et jouer. Et par la suite, comme ils ont trouvé un équilibre dans sa vie, elle a même terminé un diplôme universitaire en 1953 à l'Université de la Floride, ce qui lui a permis de devenir professeur d'éducation physique. Donc, ces gens-là ont été très, très, très importants dans sa vie, pas seulement pour le tennis, mais pour l'ensemble de sa vie. Évidemment, elle s'illustre, on commence à la remarquer sur le circuit, de nombreuses victoires à son actif. Et puis arrive une autre rencontre qui, elle, sera déterminante pour l'entrée d'Althea Gibson dans les ligues majeures, les grandes ligues, le circuit des grands chelems. Et cette rencontre, c'est celle qu'elle fait avec Alice Marble. Vraiment, ça va être déterminant pour elle. On en parle dans un instant, Marie-Josée Turcotte, mais on écoute d'abord à ce propos un reportage de la chaîne Decades TV. 5'11", Althea Gibson used her strength and speed to defeat her opponents on the court. Althea Gibson a joué de sa force et de sa vitesse pour vaincre ses adversaires sur le terrain. Mais malgré ses qualités, il y avait un adversaire devant lequel ses compétences ne pouvaient rien. La ségrégation. Au plus haut niveau du tennis, on retrouvait majoritairement des athlètes blancs, tandis que Gibson dominait sur le circuit noir. The highest levels of tennis remained lily white, while Gibson was dominating on the black tennis circuit. It may have remained that way if it wasn't for Alice Marble. Peut-être en serait-il resté ainsi, n'eût été d'Alice Marble, 4 fois vainqueur du US Nationals, qui a osé critiquer le fait qu'une joueuse du calibre de Gibson ne pouvait pas participer à des tournois de haut niveau. En juillet 1950, elle écrivait dans le magazine American Tennis Lawn, « Si Althea Gibson représente un défi pour les joueurs actuels, il serait juste que ceux-ci tentent de relever ce défi sur les cours. » If Althea Gibson represents a challenge to the present crop of players, then it's only fair they meet this challenge on the courts. Well, I think for Alice, it really was a Je pense que pour Alice, il y avait là une occasion de défendre ce qui est juste et de soutenir une amie, une consoeur et une concurrente. And to support a friend, a peer and a competitor. Gibson made her debut at the US Nationals. Gibson a fait ses débuts aux US Nationals en 1950 aux côtés de Marble. Walking alongside Marble in 1950. Je pense qu'à cette époque, entrer sur le court en tant qu'Afro-Américaine, grande, mince, athlétique, puissante et intelligente, ça a dû être un moment de grande fébrilité pour elle. C'est la PDG de la United States Tennis Association, mm-hmm. Katrina Adams, que vous entendiez à la fin de cet extrait. Alors, parlez-moi d'Alice Marble, Marie-Josée Turcotte, qui va jouer vraiment un rôle déterminant dans la vie et dans la carrière d'Althea Gibson. Alice Marble, c'est une ancienne joueuse. Elle a remporté 18 titres de Grand Chelem et, comme on vient de l'entendre, elle trouve la chose totalement injuste. Alors, elle s'arrange pour que ça fonctionne. Elle a dit, écoutez, dans plein d'autres sports, là, on n'a pas le choix, là, que ce soit au baseball, au football, c'est fait. Les Noirs peuvent jouer, donc il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas venir montrer son talent. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai vu une photo, justement, quand Alice Marble entre avec Althea Gibson dans ce stade du US Open. Et c'est vraiment deux femmes droites qui sont tellement fières de pouvoir faire ça. Et c'est intéressant parce que, donc, elle va jouer. Elle a tout gagné. Là. Quand elle joue chez les Noirs, elle gagne tout. Et ça fait des années qu'elle tente d'aller à ce tournoi-là. Et à chaque fois, on disait qu'elle ne pouvait pas jouer parce que c'était uniquement des Blancs. C'est pas la raison qu'on invoquait. Mm-hmm. Ou sinon, on perdait son inscription. Alors là, finalement, elle arrive à y aller. Elle gagne facilement son match de premier tour. Au deuxième tour, elle doit jouer contre une excellente joueuse, Louise Brough, qui est trois fois championne de Wimbledon. Et là, le match est très, très, très serré. Et la grande tristesse, c'est qu'Althea Gibson se fait crier des insultes racistes. Elle finit par perdre en trois manches, mais malgré la défaite, on peut dire que c'est une victoire grâce à elle, grâce à Mme Marble. Elle devient la première noire aux nationaux américains. La porte est donc ouverte. Et pour Althea, c'était ouverture dont elle avait besoin pour démontrer ce qu'elle pouvait faire. D'ailleurs, elle a dit un jour, et là je vous la cite, « Je savais que j'avais un talent inhabituel pour une fille. Je n'avais pas besoin de me le prouver à moi-même. Je voulais seulement le prouver à mes adversaires. » Et grâce à cette ouverture, donc aux nationaux américains, en 56, elle va atteindre son apogée, premier titre de Grand Chelem, bon, première afro-américaine et tout ça, a remporté des grands honneurs. Donc, mais ça a commencé vraiment avec cette ouverture aux États-Unis. Et puis, il y a cette période-là, 56, vous le disiez, premier grand chelem, mais sur 2-3 ans, 56 et 58, en fait, elle est vraiment la reine du tennis féminin. Mm-hmm. Roland-Garros en 56, et puis tout de suite après, Wimbledon en 57, ce sera la même chose en 58, mais parlons un petit peu, puis écoutons tout de suite cet extrait qui nous ramène à cette victoire historique de Wimbledon en 57. Althea, lorsque vous êtes allée à Wimbledon, aviez-vous le sentiment que vous alliez gagner? Oui, j'étais certaine que j'allais gagner. Je l'ai senti du début à la fin. Qu'avez-vous ressenti lorsque Sa Majesté la Reine vous a remis le trophée? Eh bien, c'était un grand honneur pour moi, car c'était la première fois que j'avais l'occasion de voir la reine et d'être aussi près d'elle. Vous sembliez être sur le point de pleurer, c'est vrai? Peut-être, mais je ne l'ai pas fait. Althea, dans votre ascension vers les sommets du tennis, avez-vous fait face à des épreuves liées à votre race ou trouvez-vous au contraire que vous avez joui d'un parcours facile? Non, je ne pense pas qu'il y ait eu d'obstacles en lien avec ma race. Bien sûr, les Britanniques souhaitaient voir gagner l'un des leurs, comme j'ai pu le constater. Mais je pense qu'ils m'ont traité comme une joueuse de tennis. Je n'ai pas ressenti de malaise à cet égard. Intéressant ce qu'on vient d'entendre de la part d'Althea mm-hmm. Gibson. Puis on entend tout de suite Marie-Josée Turcotte, à la fois son aplomb et son humour. Ça nous en dit beaucoup, ce court extrait. Mais ce commentaire d'abord sur la couleur de sa peau, qui ne pose pas problème selon elle à Wimbledon, c'est quand même assez particulier déjà, parce que, vous nous le disiez à l'instant encore, il y avait beaucoup de ségrégation au tennis. Oui, mais c'était un monde de blancs. Elle était la seule noire à l'époque. Et il faut comprendre qu'en Europe, c'était très différent d'aux États-Unis. Et puis moi, j'adore le jazz. Alors, il y a un parallèle à faire. Par exemple, en 1949, je regardais l'affiche du Festival de jazz de Paris. Il y avait des Charlie Parker, Sidney Bechet, Miles Davis. Miles Davis qui faisait un malheur dans les boîtes avec les Boris Vian de ce monde. Donc, oui, il y avait un traitement qui était complètement différent et ça devait être très rafraîchissant pour Althea Gibson. Mais il y a une anecdote aussi très intéressante. Elle a gagné 5 titres de Grand Chelem en simple, mais elle a aussi gagné 6 titres en double. Et là, il y a une belle histoire, parce qu'elle a gagné 2 titres en double en 1956 du Grand Chelem. C'était Roland-Garros et Wimbledon, avec une Anglaise, Angela Buxton, qui est devenue une amie pour la vie. Et je vous cite Angela Buxton qui dit « Quand je suis arrivée dans le monde du tennis, les autres joueuses ne parlaient pas à Althea et ne voulaient pas jouer avec elle, tout simplement parce qu'elle était noire. Elle était complètement isolée et je l'étais moi aussi parce que j'étais juive. C'était vraiment une bonne chose que nous nous soyons trouvés. » Alors, c'est dans ce sens-là, je pense qu'elle dit qu'il n'y a pas de problème pour la couleur de sa peau, parce que oui, elle nous l'a dit elle-même dans un petit bout d'entrevue qu'on a entendu au début de l'émission. La ségrégation était très forte encore aux États-Unis. Il y avait des places réservées aux Noirs dans les autobus et tout. Et s'il y a une chose qu'on lui a reproché pendant sa carrière, Althea Gibson, c'est ça, c'est de ne pas devenir une porte-étendard de la cause des Noirs. Ça, elle n'a jamais voulu. Elle a dit « Moi, je joue au tennis, je joue pour moi. Mais je ne veux pas devenir un symbole. Je fais du sport, un peu en substance, je fais du sport, je ne veux pas faire de politique. » Mais ça, on lui a reproché au cours des années. Alors, parlons du style de Gibson, de la joueuse de tennis qu'elle a été. C'est quand même pas rien, je le rappelle, 5 titres de Grand Chelem en simple en quelques années. Comment décrire cette joueuse-là? Écoutez, si vous avez la chance d'aller sur de YouTube et de regarder un peu, là, c'était tellement beau de la voir jouer. D'abord, elle est très grande. Elle fait 1m81, 6 pieds, presque 6 pieds, 5 pieds 11. Elle est très athlétique. Elle est très, très forte. Elle a un service tout à l'attaque, ses services volés. On la regarde jouer et on sent qu'elle est plus puissante que les adversaires. Alors, je ne suis pas surprise d'entendre dans les extraits d'entrevue cette confiance qu'elle avait en elle et en son pouvoir. Et elle disait, les gens disaient que j'avais le meilleur service. Service au monde a dit, je pense qu'ils avaient raison. C'est dit, voilà. Et ses talents, ses grands talents, services et autres, ça l'amène au sommet de sa gloire, donc dans ces années 56, 57, 58. Avec cette fin précipitée, cette décision en 58 de quitter le tennis, pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas un sou à faire à cette époque-là. Il fallait être vraiment amateur, donc pas de commanditaire, pas de bourse. Et c'était impossible de vivre de ça. C'est seulement à la fin des années 60, ce qu'on appelle l'ère ouverte maintenant, où il y a eu des bourses. Et donc, à partir du moment où il y a des bourses, c'est possible d'avoir des commanditaires. Donc, ce n'était pas possible de vivre de ça du tout, du tout, du tout. Elle a essayé tout plein de choses. Elle a essayé le golf pendant une époque. Bon, là non plus, elle ne pouvait pas en vivre. Elle avait énormément de talent là aussi. Elle a même fait un peu de cinéma. Et elle a même fait un peu de chansons. Je pense qu'on peut même l'entendre. Absolument. Vous lisez dans mes pensées, Marie-Josée. Don't say no. Don't tell them that we're through. Don't say no. Just tell them I love you. Don't tell them that the dreams we planned have crumbled with my heart. Don't tell them that the quarrels we've had have made us drift apart. Don't say no. L'extrait qu'on entend, Marie-Josée Turcotte nous en dit beaucoup aussi. Si elle sait jouer au tennis, on se rend compte qu'elle sait chanter, Althea Gibson. Je sais pas où ça va l'amener, cette carrière de chanteuse, mais qu'est-ce qu'elle devient après, donc, avoir tourné le dos, forcé de tourner le dos au tennis? Bien, pour la chanson, rapidement, elle avait dit à un moment donné, je suis née trop tôt. Et c'est vrai autant pour son talent athlétique que cette voix merveilleuse. Elle a fait un seul disque, ça ne s'est pas vendu. Écoutez, elle a fait toutes sortes de choses. Elle a été engagée en 75 comme par l'État du New Jersey. Elle était commissaire athlétique. Elle a été membre du Conseil des gouverneurs de la condition physique. Elle a fait beaucoup de bénévolat aussi. Elle a soutenu des jeunes joueuses de tennis. Je pense à Zina Garrison, une jeune afro-américaine. Elle a beaucoup, beaucoup aidé. Zina Garrison est devenue quatrième au monde. Donc, elle a tenté de redonner du mieux qu'elle pouvait, mais donc elle a, comme tout le monde, été obligée de travailler un vrai travail. Mais ce qui est, encore une fois, vous nous en avez parlé il y a une minute déjà, mais cette fin forcée, c'est tellement, mais c'est si bête par manque de moyens. C'est une grande championne qui doit se détourner de sa carrière de tenniswoman parce qu'elle ne peut pas en vivre. C'est fou quand même. Oui, mais c'était le cas de tous les gens à cette époque-là. C'était impossible de vivre du sport. À moins d'avoir des moyens. À moins d'être riche, c'est effectivement. Ça. À moins d'avoir des moyens. Et ça ne pouvait pas être des commanditaires, parce que des commanditaires, dès qu'on avait un commanditaire, on n'était plus un amateur, entre guillemets. Et à un moment donné, eh bien, on ne peut pas poursuivre comme ça pendant des années et des années. Il faut qu'il y ait des sous qui entrent et il faut être capable d'en vivre. Donc, elle a enseigné pendant un certain temps, comme je vous disais, elle a travaillé donc, pour le New Jersey comme commissaire athlétique. Ouais. Elle a vraiment fait sa vie et heureusement aux gens qu'elle a croisés sur sa route, qui l'ont aidée, qui l'ont soutenue pour faire également des études, parce qu'ils savaient très bien qu'après une carrière athlétique, ce n'était pas possible de pouvoir vivre de ça. Même encore aujourd'hui, si vous regardez, là, à part les sports professionnels masculins, c'est à peu près impossible de vivre du sport. Ouais. On boucle la boucle, Marie-Josée Turcotte. Vous nous disiez au tout début donc, de cette émission que ça a été une grande championne, que ça a été la première, qu'on l'a un peu oubliée. On parlait d'Arthur H., dont on a davantage retenu le nom qu'Althea Gibson. Mais depuis quelques années, heureusement, on revient à Althea Gibson. On reconnaît la pionnière qu'elle a été. Et ça nous ramène donc à cet héritage qu'elle a laissé aux Noirs, hommes ou femmes. Je pense qu'on peut dire aux joueuses aussi. Aux joueuses et aux joueurs. Oui. Même pas de couleur, je crois. Mais ce qui est bien, c'est qu'on la fait revivre en ce moment grâce à des femmes comme Billie Jean King, qui a été une immense joueuse, qui a parlé avec Katrina Adams, qu'on a entendu un petit peu plus tôt dans notre reportage, là, qui a été la première Afro-Américaine présidente de la United States Tennis Association. Et ensemble, elles se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, au mois d'août 2019, il y a une statue à l'effigie de Althea Gibson qui a été installée au Centre national de tennis Billie Jean King, donc là où se joue le US Open, le tournoi de Grand Chelem. Et au moment d'inauguration, justement, Katrina Adams avait dit « Althea n'est pas seulement une joueuse qui a gagné une tonne de titres, c'est une personne qui a transcendé notre sport, qui a ouvert la voie aux gens de couleur. » Et elle a même dit « Sans Althea, je ne serais pas là. » Donc, quand on dit qu'Althea, c'était pas juste le tennis féminin, c'était tout le tennis, mais c'était plus que ça aussi. C'était de donner une conscience aux gens que, entre guillemets, tout est possible à quelque part. Et dans ce contexte qu'on vit en ce moment avec tout le Black Lives Matter, c'est réjouissant de voir qu'on se souvienne des exploits d'une femme comme Althea Gibson qui... Elle l'a fait dans le sport, mais ça transcende le milieu du sport. Et elle a réussi justement à transcender la barrière des couleurs pour montrer que oui, on peut exister et on peut faire quelque chose de bien si on y met le temps et si on a le soutien. Je pense que c'est ça qui sort de son histoire. C'est le soutien, c'est l'aide des gens autour et une forme de reconnaissance éventuellement qui peut arriver. Son autobiographie, elle a écrit une autobiographie en 1958 qui s'appelait « I always wanted to be somebody ». J'ai toujours voulu être quelqu'un. Donc, elle a cherché la reconnaissance pendant toute sa vie et à la fin de sa vie, elle était très malade et elle ne voulait pas que les gens la voient comme ça. Elle voulait que les gens gardent d'elle l'image de cette femme belle, élancée, athlétique et surtout en pleine santé. Donc, et elle a eu des problèmes financiers. Elle a dû faire appel à des amis pour pouvoir vivre à la fin de ses jours. Mais c'est vraiment une belle histoire que celle d'Althea Gibson. Puis je suis contente qu'elle puisse revivre de plus en plus dans la mémoire des gens. Marie-Josée Turcotte, journaliste animatrice au service des sports de Radio-Canada. C'est toujours un bonheur de vous recevoir, Marie-Josée. Merci beaucoup. C'est gentil, c'est toujours un plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.